enregistrée au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusée sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bainfumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Sur les toits tous tes regrets, mini-mi-cala. Des jours je te dirai de tes angoisses obstinées, mini-mi-cala. Des jours je n'ai de prendre par la main à me rendre, mini-mi-cala. Quand toi tu sais penser, je serai déjà oublié, etc. Inondé d'amour, de rêves, de baisers, mini-mi-cala. Des nuits passées à vider mon esprit de ses péchés, mini-mi-cala. Des nuits où j'aurais rempli ta tête d'espoir, de magie, mini-mi-cala. Quand toi tu sais penser, je serai déjà oublié. Bonjour toi, ami imaginaire, auditeur imaginaire, structure imaginaire de mes pensées. Comment ça va? Comment ça va, toi? Moi qui cherche mes caracos. J'en ai juste une, j'en avais trois tantôt. J'espère que je vais pas manger ça, moi, là. Là, ça sonne. Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer, ce qui s'est passé. On a frappé à ma porte. Donc, j'avais les caracos. J'ai regardé par le diablomante, là, le sauvage, comment t'appelles ça, l'orifice. Non, on appelle ça quoi, donc? Un Judas. J'ai regardé par le Judas. J'ai vu deux polices. J'avais mes caracos. S'ils commencent à fouiller mes caracos, hein, ça fait de la musique là-dedans. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce que j'ai mis pour que ça fasse ça, là. me suis introduit ça dans l'imaginaire. Aïe, aïe, donc. Puis là, ben, je crois qu'ils sont coincés là, mais aussi, non, mais sans blague, madame, avant que je fasse une crise de nerfs en direct, non, en début d'émission, c'est pas très bon pour mon cœur. On arrête, on poursuit, je sais pas. Ce n'est pas fait, non. Voyons donc, j'ai pas jeté ça, madame. C'est inestimable. Ça appartenait à un musicien, une des caracoles, ça appartenait à un musicien d'un Québécois très connu par sa mère, là. Bon, ben écoutez, on n'en a pas, on n'en a plus. On poursuit, on continue. Comment ça va, vous? Moi, ça allait bien avant de perdre mon âme. Oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, les caracas. Hey, j'ai oublié mon nom sans autre façon. Non, j'ai oublié la semaine dernière de vous parler. Peut-être que j'en ai glissé un mot à travers toutes mes extrapolations les plus incohérentes. Aux douanes, encore les douanes. Je vous en parle souvent de ces douanes-là. Mardieu, Seigneur, c'est mes plus belles. Ça, c'est mon passage le plus intéressant de mes vacances. Passer aux douanes. Oh! Je fais exprès pas. Mais en fait, si vous me connaissez de près ou de loin, parce que je me place plus dans le tissu dorifique. Puis moyens financiers, moi, là, hey, fais des voyages à Paris, penses-tu que j'ai le temps? Bon, la barre, là, je dis, non, je me place ça dans la bouche un peu, là, tu sais, je crois que ça, c'est dans, ça m'a l'air que ça pue passablement, puisque je me, ouais, pendant 2 semaines, j'avais mis ça sous l'aisselle. De l'aisselle à la bouche, là, c'est pas très, ben, enfin, le conseil n'est pas de moi, là, mais d'une prépubère qui me disait, lorsque ton poil pousse, attention, c'est pas n'importe qui, là. C'est pas une vieille choucroute, là. C'est une prépubère. Une fille, elle, bien sûr, très bien mise sur elle, vient de découvrir le maquillage. Je lui dis, hey, le clown, là, sors-tu avec Rénal ou si tu vas faire rire de toi, là? Oh, elle s'est mise à pleurer. Tu sais comment, à cet âge-là, c'est fragile, hein? Oh, mais non. Là, je passe ma petite main sur ses lèvres. Là, ça s'étire, le petit rouge à lèvres. Là. Oh, Nabokov. Ah! Non, hey, c'est pas ça que je veux dire. Hey, ils vont frapper. Mais j'entends frapper. Réponds pas, Raymond, réponds pas. Réponds pas, il y a personne dans le placard. Là. Non. Ah, oh, ben, voyons, avec depuis des années, la senteur a laissé la place à la poussière et maintenant, les anges sont partis au paradis, au para-onze, au para-douze. Ça se décompose pas, des poupées gonflables, mon Raymond, voyons donc, oui, fais pas dire des choses à ma bouche qu'elle ne veut pas suggérer de peur de s'enlacer dans sa menterie. Belle galanterie. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé aux douanes lors de mon dernier passage. Quand on passe, hein? Maison de l'huile, on va passer. Et monsieur! Fait que là, on arrive là. Moi et mes bagages, je suis très, très audio. Pas beaucoup de vêtements. 2 paires de bas. Jaune et vert. On sait jamais. Si je mange de la moutarde, moi, je mets jaune parce que si je chape ça sur mes bas... Hein, si je chape ça sur mes bas, ça se voit pas, voyons donc. Et puis si ben j'ai pas de moutarde, je place mon bas dans mon chien chaud, puis je m'enchouille la guenille, puis ça me rappelle mon ancien, hein? Ben oui, c'est ça, mon ancien mariage avec la belle Gaétane. Ah, on la mâchait-tu la guenille? Manger la guenille, oui, de bas. Manger la guenille, mouiller la chemise. Et là, on passe aux douanes, mon petit champion. Ma valise passe pas. Où je place tout mon équipement audio, pas sado, mais bien, donc, ça, c'est quand je vais à New York, le sado, mais, sado maillot, laitue, les 2 bars, s'il vous plaît. Là, vous allez me dire, si tu mets de la laitue des 2 côtés de la sandwich, la laitue va tomber dans un des 2 bords de la sandwich. Mais oui, mais t'as tiens en dessous, voyons donc. Prends-tu un cours d'incognito pour comprendre ça, toi? Quand tu sais que ça va tomber, tu tiens par le bas, puis si tu tu vois que ça va glisser par le haut, tu tiens par le... Voyons, donc, ça vient tout seul, ça, là. À l'âge de 2 ans, n'importe qui peut faire ça. Fais-moi pas faux. Non, non, je vais prendre la mouche, là, puis tu vas voir que ça risque de se la taper. On va se la taper, la mouche, puis si elle tombe sur ton front, là, elle tombera pas parce que... C'est une mouche à feu. Elle cherche pas la... autre chose. Et puis, non, on passe aux douanes. Mon sac passe pas. Tout mon équipement audio d'une valeur inestimable. Parce que j'ai mis des autocollants de ces CKRL. J'ai dit, c'est les autocollants qui passent pas. Les autos, ils vont dire, c'est où? C'est... Qu'est-ce que c'est que cette radio, c'est CKRL? T'es obligé de raconter. Là, voyons, vous connaissez pas ça. Puis là, en plus, on est à Québec, on n'est pas à Paris. Même à Paris, ils savent d'où vient ces CKRL. Première radio associative francophone au monde, pas compliqué. Puis quand j'ai raconté ça, à un moment donné, à une artiste, j'aurais voulu être une chanteuse. Elle aurait bien voulu être une chanteuse, elle n'était pas chanteuse, mais elle s'est déclarée chanteuse pour que je lui paye un verre. Et puis, non, c'est pas ça l'histoire. C'est que le sac passe pas. Là, je me dis, voyons donc, toi. Là, je me souvenais d'avoir mis un savon. À un moment donné, mais nous savons. Savon, nous savons. Pour se laver, mais le verre. Savoir. Je suis nous, premier groupe pluriel. Nous savons. Oui. Oh, ça fait mal hein, quand on comprend. Bon, OK. Et donc, j'arrive là, mais mon sac n'arrive plus. Là. Ils font passer sur le tapis déroulant. Ils roulent, ils déroulent, ils roulent. Ils disent, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de ça? Oh, j'ai dit, écoutez, là, c'est... Écoutez, ouvrez-vous la grosse oreille, puis petit tympan. C'est de l'équipement pour faire des rencontres radiophoniques. Les paris sont... Les interviews. Je fais pas d'interviews. Moi, je suis pas un journaliste, là. J'ai pas de... Hey, voyons, dans. J'ai une crédit. En tout cas, on croit un peu à ce que je dis, là. Journaliste, pas de vrai. Je crois au Saint-Esprit Tout-Puissant, créateur du Saint-Exupéry. 2005, très, très bon vin. Vin rouge. Véro, c'est vin rouge. Pas blanc. Le blanc, c'est pour les... Bon. Mais ce que je voulais vous dire, c'est... Oui, c'est tout l'équipement audio de haute fidélité. Très haute fidélité. Très, très... C'est tellement haut là, que le sac, elle semble petit. Quand vous allez ouvrir, là, pff, ça va exploser. C'est de la haute. Mais je vous conseille pas, parce que vous qui êtes de la basse, hein, vous êtes des suspicieux. Cherchez plein d'anomalies, là, hein, les gens de droite. Et qu'est-ce que c'est, ça a l'air louche? Ben oui, c'est moi, Renald Gagné, mon ami Claude Lelouch, mais rien à voir. Mais... Et puis là, elle me dit, ouais, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, ouais, j'ai du savon. Une barre de savon quand même, là. Hein. Bon, on s'en va en France. Il faut distribuer aux Français. Mais, et ensuite, j'ai de la pâte dentifrice. Pâte dentifrice. Là, c'était peut-être sa première journée. Il me dit, quel format? Quel format? C'est avec fluorure? En tout cas, ils l'ont tassé dans le bâton. Puis, en fait, c'est de la crème tassée dans un bâton. Mais de la crème légale, là, pas de la... Il hein, y a de la différence, là. Une grosse différence. Ça se prend par la bouche et non pas par le navré de vous décevoir, Madame Pécula. Marie décevoir Pécula, malgré décevoir Pécula, quand t'es passé là. C'est une chanson de Daniel Lavoie, l'avez-vous reconnue, non? C'est le même album que son grand succès, son plus grand succès. Le danger, tout danger, reste pas dans la panique, José Satrick. Attention, attention, il y a un corpo qui se pique, ta folie. Ping. Ce serait le fun de faire jouer ça tantôt. Hein, ce serait plaisant. Moi, j'ai trouvé ça. Et c'est quétaine, mais on aime ça le quétaine ici. Et là, il passe dentifrice, là, il me dit, ouais, quel format? Ben, format adulte, là. Puis même, ma fille de 15 ans l'utilise. Sa copine de 16 ans l'utilise. Et puis, son ancienne. Parce qu'en fait, elle avait un petit trio de vous savez, hein, ça fait du shopping. Ça chope, hein, ouais, ça chope mon argent. Puis ça jette n'importe quelle connerie, des petites robes, de ça. Ça m'a. Hein? Ben oui, voyons donc. Et puis, il n'y a pas de... Ah, 300, non, 450 000 millilitres. J'ai éternué à travers ça, c'est merveilleux, hein? Oui, c'est ça, mais là, il me dit, c'est beaucoup trop gros, là, ça va péter dans l'avion. Mais c'est pas une bombe, ça, c'est de la pâte dentifrice. Là. J'ai rien mis là-dedans. Ben, j'ai rien mis, c'est pas moi qui... C'est M. En tout cas, c'est lui qui en a mis. Appelez l'entreprise, c'est www.com. C'est de la verte à la menthe. Inoffensif. Inoffensif même pour votre, votre japeux, là, votre... C'est quoi, votre labrador? Pas de problème là-dessus. Moi, saisis les dents avec ça, ça va lui faire plaisir. Puis il va sourire, ring, à la vie. Ring, il aura plus son humeur de chien. Ring, ring. Mais ça, c'est un sourire, ça, ring. On l'imagine, hein? On le voit, le ring, ring. Oh. Quand tu fais de la radio, il faut que tu sois... faut que tu aies l'imaginaire au top 50, là, de la connaissance intellectuelle. Non, pas imagé. Hein? On oublie les photogrammes. On oublie lance-moi les mots. J'ai étudié en cinéma. C'est quoi, photogramme? Pictural? Rénal. Enlevez-vous tous les rénals de la tête, les rénaux. Ah, moi, les rénaux, ça m'a coûté cher avant-hier. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et donc, passe au-delà. Fait que là, hey, il me dit, c'est trop gros. Non. Il y a personne qui m'a déjà dit, moi, c'était trop gros. Comment ça va en faire un peu, là? Je dis, quand je reçois des courriels là, de médecins asiatiques, là, « Opez-vous les carrières, vous allez vous écrire, quoi? » Je me dis, « Ouais, peut-être que ce serait intéressant de... Bah, on sait pas... Bah, bah, bah, bah, bah, bah. » Mais là, je me suis demandé, « Voyons donc, toi, on va pas jeter ça, c'est un pot dentifrice qui m'a coûté 2,55 $ pour... » Ça, c'est vrai. Ce que je mentionne là, c'est même pas un mensonge, c'est la vérité vraie. Le jeune qui était peut-être à sa première ou deuxième journée aux douanes, un agent douanier. Ouais. J'ai balancé comme ça de mon cru. Là. Je m'imaginais presque avoir un micro là, dans la bouche. Ou devant la bouche, pas dans la bouche, devant. J'ai dit, pouvez-vous en enlever? Pour faire 300 millilitres, 300, je ne sais pas quoi, là, mais pour que ce soit légal, enlevez-en, ce sera légal. Il demande ça à son supérieur. Le supérieur vient me voir. Monsieur, il y a un problème. Oui, mademoiselle, excusez-moi, vous venez de faire... Non, l'opération a très bien réussi. Mais non, c'est que j'amène de la pâte dentifrice à Paris. Caroline, j'ai bien le droit d'amener ça. C'est pour l'hygiène dentaire. Bon. Je prends mon dentier, je le frotte avec ça. Je me mets ça dans la bouche, puis 3 semaines sans problème. Ah! Oh. Je peux embrasser, là, comme Jean-Paul II, là, le Orly, Pigalle, le Moulin Rouge, les Paris pathéticiennes. J'embrasse. Ce qu'on dit pas dans la publicité, c'est que ça rend la langue soyeuse. Tu peux lécher n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Du vieux matériel, nouveau matériel. Bah, il n'y a pas de... Des artistes, des comédiens. Les comédiens adorent ma pâte dentifrice. Même, j'en ai offert à... Je peux pas la nommer. Et puis, elle n'en a pas voulu. Elle a appelé la police. Ils m'ont embarqué. Mais sinon, j'ai dit, pouvez-vous en enlever? Comme je vous dis, le supérieur arrive devant moi. Supérieur hiérarchique, c'est une espèce de prétentieux. Moi, en haut de la hiérarchie, t'as mis nappe en haut de la hiérarchie, moi. Moi, t'apprends mon crotté que ça, là, on enlève ça. Fait que là, on retire tout. J'ai aucun problème. Non, je veux pas de problème. L'avion va partir à l'heure. Bah, parfait. Fait que là, on m'en va dans la zone dédouanée. Magasin hors taxe. Je me rajoute de la pâte dentifrice. Un petit minable. Pas le commis, là, mais de pâte dentifrice, là, je pense que c'est 15 millilitres. Tu pèses un peu là-dessus. C'est fini, t'en as plus. Tu lèches ta brosse à dents pendant 3 semaines. Là, ça goûte le vin rouge, le Bordeaux, le champagne. Et là, j'ai... Savez-vous comment ça m'a coûté? Je vous dis, 15 millilitres, là, à part, là, tu presses à peine, là, puis c'est déjà éjecté, dirons-nous. 3,95. 3,95. J'ai dit, ah, le passe, elle tombe sans connaissance, je me réanime moi-même, je me pompe le cœur. Moi, je connais ça, moi, je connais mon corps. Fait que je fais de l'autopompage, je reviens à ma rénalité. Là, je dis, voyons donc, c'est de l'arnaque. Ben, on vous oblige pas de l'acheter, non, c'est vrai. Là, je me plaçais dans la place de la petite commis là, qui se fait emmerder souvent par des imbéciles. Non, je ne suis pas ce genre d'individu-là. OK, je vais l'acheter. Mais ça, j'avais de la place, mettre ça dans mon trousseau, là, une petite affaire de rien. Là. Il ne faut pas que je perde ça. Mets ça dans un dossier important. Là, hein? Important, plus important encore que le passeport. C'est la porte dentifrice 100 fois plus important que le passeport. Ça, c'est rien le passeport. Et si tu peux même perdre ça au Népal, ils vont m'arracher la tête et m'envoyer les cheveux à San Diego pour faire des perruques pour Juliette Gréco. Mais oui, mais ils font ça à San Diego. Les perruques de Juliette Gréco. Quand elle chante « J'arrive! Pop, pop, pop! J'arrive! » Puis là, les cheveux, c'est, hein? C'est mes cheveux à moi, ça. Ouais. Vous saviez pas ça, hein? C'est un scoop. Elle porte ma matière. Oculaire. Ah, là, j'ai un œil là-dessus. Moi, j'ai l'œil sur Juliette Gréco puis Brigitte Fontaine. Imaginez-vous une soirée avec deux filles comme ça. Et ça, là, ça équivaut à 150 millions de bibliothèques. Des connaissances sur la vie artistique, elle te les donne, elle te les dit. Tu t'abreuves à leurs lèvres. Pendant trois semaines, t'es là pour pas en perdre une goutte. Juliette Gréco puis Brigitte Fondard. Chacun ses fantasmes. Fantasme. Toi, t'aimes-tu ça être un fantasme? Je serais fantasme. Moi, j'ai dit à mon beau-frère, voyons donc, si tu penses que deux crevettes équivaut à un maïs soufflé, et tu te trompes et... Ouais, peut-être que ça peut t'éclater, là, mais la crevette, c'est plus difficile. Mais à l'ail, c'est... Ça a l'air très bon. C'est tiré par les cheveux, moi. À regarder le ciel, on ne trouve jamais la mer. Si tu veux, on recommence en héros. L'opacité des nuages détermine le séjour. Ah, on a plus. Ah, c'est déjà terminé l'histoire de la pâte. Ça a duré 5h30. Ah, mon dos. À la semaine prochaine. Non. Voyons donc. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à Les douces rénalités, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant, gagné aujourd'hui, oui, le vendredi 14 août. Ouh, qu'il faisait! On l'a fait ça, 14 août. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions, les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la comédienne où sa vie est aussi inoubliable que notre rencontre, Elina Dumont. Elina de la DAS, c'est-à-dire une fille qui a été remise lorsqu'elle est née dans une crèche, est une ancienne SDF. Elle monte seule sur scène et dépasse avec humour les trupitudes de son ancienne vie, se voulant porte-parole de ses anciens compagnons de macadam, qui se résigne en silence. Coquette avec son haut légèrement décolleté que je n'ai jamais vu et ses discrètes boucles d'oreilles que j'ai presque vues, Elina Dumont ne porte plus l'épaisse carapace de tissu qui la cachait des regards des passants. Lorsqu'elle vivait à la rue, On recommence, excusez. Élina Dumont ne porte plus l'épaisse carapace de tissu qui la cachait des regards des passants lorsqu'elle vivait à la rue. Aujourd'hui, les gens se déplacent pour la voir sur scène dans le spectacle qui raconte son histoire qu'elle a aussi scellée dans un livre. En juillet 2015, CKRL et Errance Reynaldienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer cet artiste chargé de talent. Douce et d'un... En juillet 2015, CKRL et Errance Reynaldienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer cette femme rayonnante. Un voyage chargé pour cette nuit étoilée. Oui, faut-il s'arrêter? J'espère que c'est étoilé, là. T'as-tu estimé combien d'étoiles? Infini? Oh, lui, il se trompe pas. Quand tu dis infini, c'est incommensurable, hein? C'est indéterminé. OK. Oui. On parle. Il reste 15. OK. Oui. Parfait. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique, la musique nous enchanter? OK. Bon. Ah ben écoute. C'est parfait. On laisse la musique nous enchanter. Barracuda dans un bar à Cuba, je suis rien qu'un requin qui n'a plus rien pour se requinquer. Je fais la vie, je fais les bars, un coup à se mettre à boire, j'ai mal dans mes nageoires, mais je me marre. Je suis un requin drôle. Ils font que de m'engueuler comme si j'étais content, comme si j'avais pas mal, comme si je trouvais moral, qu'elle soit pas là, que je sois absent. Je voudrais pousser des cris très méchants, mais je peux pas. Je suis qu'un requin drôle, je peux pas. J'ai des hoquets d'amour. Je peux pas. J'ai des hoquets d'amour. Quand j'embarque une minette, je la monte dans ma chambre. Je veux lui faire câlinette, sortir mon arbalète. C'est la vie, c'est la fête. Quand elle voit ma moquette, elle remonte ses soquettes, elle veut pas. D'un requin drôle, elle veut pas, non. Et d'un perroquet de l'amour, elle veut pas. D'un perroquet de l'amour. Avec un type pas clair, il se défonce au tarpé, il se met de la paille dans le blaire. Un jour je m'en vais le coiffer avec les dents de la mer, lui couper le cou d'un coup de colère, mais j'ose pas. Moi je suis qu'un requin drôle, j'ose pas, non. Je suis qu'un roquet de l'amour, j'ose pas, je suis qu'un roquet de l'amour. Barracuda dans un bar à Cuba. Je suis rien qu'un requin qui n'a plus rien pour se requinquer. Je fais la vie, je fais les bars, un coup à se mettre à boire. Je suis mal dans mes nageoires, mais je me marre. C'est qu'un requin drôle. Wow, je me marre. J'ai des hoquets d'amour, hein, je me marre.

Regardez de très haut les seigneurs de la guerre. Ébranlez la terre. Sur les pas de Marco Polo, retrouvez Mao. J'aimerais m'envoler vers Paris la nuit, jusqu'à frôler la tour Eiffel du bout de mon aile. Épouser toutes mes amies, les trouver jolies. Ce soir à l'eau qui règle les pins, dans le Finistère Nord. Perdu dans le passé, accroché au rocher, où mon cœur se brise. Seul dans mon impair à Quimper, un marin à terre. Seul dans mon impair à Quimper, je suis qu'un marin à terre. J'étais indifférent, j'étais beau, j'étais grand. Serrais pas les dents. On me parlait de loin, je répondais de haut. J'ôtais pas mon chapeau. Dans un hamac à Macao, un fallait qui fait chaud. Dans un hamac à Macao, fallait qui fait chaud. Qu'est devenu mon cœur imperméable à la peine, mon corps prêt à tout. Et ma cervelle au bout, qu'est-ce qu'elle fout? Surtout ne pas dire je t'aime une prochaine fois. Surtout ne pas dire je t'aime une prochaine fois. T'en fais 33. Il est loin le 78. Le temps qu'on écoutait des disques au creux des sillons de cire, sans écart de ton devant les pavillons du son. Il y avait des apprentis saphirs qui nous faisaient chanter sans Dolby, sans hi-fi, sans laser, sans MPX filter, directement du cœur au cœur. Maintenant je te rembobine, je te reset pas, je te rewind, je te pose, je te stop, je t'éjecte, je te forward, je te plais plus, t'es plus ma copine, t'es plus mon amour, t'es plus présente dans mon avenir, y a déjà plus de passé, alors y aura pas toujours. Y'a plus d'un homme dans ton album qui collectionne les étiquettes, les fleurs déchirées des pochettes. Tu les roules en cassette. Ta tête de lectrice magnétique a déjà tout mis en mémoire. Mais tu sais plus qu'on s'est aimé dans la musique, avant le son. Maintenant

toi tu fais toujours de moi un peu mieux que moi. Tu fais la paix dans mes orages, tu sèches les larmes du matin. Ma force est faite de tes mains. Nous serons plus jeunes demain et nous rirons jusqu'aux nuages du rire des enfants passage, du rire des enfants qui s'aiment. Je t'aime parce que Errance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Oui, mais je te veux, tu me dis toujours, ça va être comme dans nos premiers jours. Laisse-toi aller, tu regretteras pas, viens sentir le parfum des draps. Hey, laisse tomber, j'suis pas un gars facile. Tu m'auras pas dans ton petit jeu. Va t'en faire voir dans un asile. Dis-le que t'attaches et ça va être mieux. Tu me supplies de tout ton corps. Mon téléphone devient humide. Tu me demandes encore et encore, je suis à toi, sois pas stupide. Hey, laisse-moi pas me lever, petite fille. Je me sens sauvage comme un gorille. J'ai pas la trompe d'un éléphant, mais je peux sauter comme un volcan, ouais. Je suis tel sans mes parents. Ma mère vendait des bouteilles et mon père buvait tout le temps. À grand claque sur la caboche, couchez-vous, maudits enfants. Attendez pas que je me choque, je pourrais devenir méchant. Je pissais dans mes culottes en criant « Maman, maman !» Elle me disait « Ferme donc ta porte, t'es rendu à 14 ans. » L'autre côté, le vieil étalon s'essayait sur sa jument. « Relève donc ton petit jupon !» Mais elle refusait souvent. J'ai vu courir mon vieux père pour étrangler ma maman. Elle lui lança le fer à repasser fer entre les dents. Ils sont morts au bout de leur guerre, laissant là les quatre enfants, héritiers d'un vieux ménage couvert de poussière et de sang. J'ai une femme qui exagère, elle dit que je bois tout le temps. Ben si t'avais connu mon père, tu m'apprécierais sûrement. Comme si elle avait eu peur, elle me jeta sur le ciment. Une autre plaie sur mon cœur, cette femme je l'aimais tant. Entre la vie et la mort, j'ai l'impression de faire semblant. Aujourd'hui je sortirai pour tuer de pauvres innocents. Tu me diras enfin, je t'aime, t'avais pas besoin d'en faire autant. Ce sera la fin de ma peine, nous nous enfuirons doucement. Alors ton corps et mon corps s'oublieront pour un instant. Là, je t'aimerai si fort que je t'étranglerai. Love.

Merci. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.